Mon ambition et ma vengeance ont toujours faim. Et dur de calmer l'appétit. Quand tu réfléchis pas, tu confonds le courage et la bêtise. Je te l'avais dit, le rap nourrira pas un tas de bouches. Remplis mon sac de fric, car un sac vide ne tient pas debout. Y'a trop de traîtres, de quoi remplir un stade de foot. Dites pas que vous m'avez aidé, honnêtement je me souviens pas de vous. J'ai fait ma place dans le vrai, pas de contrefaçon. Je suis peut-être petit, mais un petit à pas capture des gros poissons. Ça dérape, mais j'ai pris de l'élan et de la vitesse. Et je me fais rare comme un clochard qui boit de l'évian ou de la vitelle. Ça joue les durs, on voit bien que ce sont des gars timides. Les enfants kiffent, ils vendent leurs disques avec un menu Happy Meal. Parcours atypique, partout ça critique, partout de cartouches et même de partout à 10 piges. Majeur en l'air, c'est ce qu'on préfère comme geste. Le manque d'espèces me fout les nerfs comme Jeff. K-R-N-A, t'as reconnu le style. J'ai fait ma place dans le vrai. Jeff le nerf. Dans ce game, je pèse les règles de l'arbitrage. K-R-N-A, t'as reconnu le style. J'ai fait ma place dans le vrai. Jeff le nerf. Dans ce game, je pèse les règles de l'arbitrage. J'avance toujours avec le même pote depuis l'époque Super NES. Mais les joueurs ont changé, ils cachent une arme sous son pullover NES. On a des bulles d'air mec pour amortir en cas de chute. Les filles ne me crachent pas dessus quand elles me voient en costume Hermès. Je t'ai pardonné tes carottes, c'est mort si tu me les remets. Tu seras là pour moi si j'étais là pour toi quand tu merdais. Beaucoup m'étonnent, mais contre eux j'ai trouvé tous les remèdes. En tôle les poulettes nettes, si t'as de la blanche ou des petites boulettes vertes. Ils ont toutes l'air bêtes à force de retourner les vestes. Ils ont peur de grimper et préfèrent contourner l'Everest. Tu veux tester les vrais, il va falloir que tu fasses des pompes. Dans le rap y'a ceux qui donnent des ordres et les larbins qui passent l'éponge. Tu veux que je fasse les comptes, y'a peu de gens qui m'aident. La vie m'a marqué sur le ventre, une palave de 30 cm. J'arrive les mains vides, il faut que je reparte le ventre plein. Je victimise les MC, je compte plus le nombre de plaintes. K-R-N-A, t'as reconnu le style. J'ai fait ma place dans le vrai. Jeff le nerf. Dans ce game, je pèse les règles de l'arbitrage. K-R-N-A, t'as reconnu le style. J'ai fait ma place dans le vrai. Jeff le nerf. Dans ce game, je pèse les règles et l'arbitrage. Frère, j'ai la manière et l'arbitrage. Dans ce game, je pèse les règles et l'arbitrage. Dans ce game, non, y'a plus de game, c'est mardi gras. Mon armée traille de leur pave à nos parvis crades. J'ai le rap sale et si je garde mon lust, c'est qu'il tue sa mère. Si je grave ton scud, c'est qu'il pue la merde. Pour les proches, l'équipe, je veux décrocher le titre pour l'année prochaine. Pas de projet, que des projectiles. T'as la Porsche, l'équipe, bien mal acquise. Avec tes couplets de billard, tu veux faire mal à qui? Je crois que mon rap à la guine, je m'en fous, je groove et je pillard. Puis s'il y a plus de sous, moi je ferai pas des couplets de billard. Au cirque, je viens faire un drame, un carnage. Papa, passe-moi le mic, c'est comme vilain gramme à Carla. Viens voir par là, gros c'est tranchant. Mauvais karma, mauvais penchant, le nerf est carna. K-R-N-A, t'as reconnu le style. J'ai fait ma place dans le vrai. Jeff le nerf. Dans ce game, je pèse les règles de l'arbitrage. K-R-N-A, t'as reconnu le style. J'ai fait ma place dans le vrai. Jeff le nerf. Dans ce game, je pèse les règles et l'arbitrage.